Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal de la dernière édition de ce 31 octobre 2017. Et en voici tout de suite le grand des articulations. La Banque mondiale compte financer à hauteur de 600 millions de dollars américains un projet qui vise à mettre en place des infrastructures de transport sur le lac Tanganyika. Pour le secrétaire général de l'EAC, Liberam Fumukeko, ce projet permettra de réduire jusqu'à 40% les coûts des marchandises importées passant par ce lac pour être vendues au Burundi. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'épargne célébrée le 31 octobre de chaque année, la majorité des fonctionnaires de l'État et même ceux qui sont rémunérés dans le secteur privé avouent ne pas être capables de faire la moindre épargne à cause des maigres salaires qu'ils touchent. Mais ce n'est pas l'avis de la présidente du réseau des institutions de microfinance que vous entendrez. Et dans la chronique santé ce mardi, nous parlons de l'épistaxie. Il s'agit d'enseignement nasal sans gravité dans la plupart des cas, mais qui peut comporter un risque vital. Vous entendrez le spécialiste en otorhino-laryngologie, Dr Tade Ndayishimiye, nous donner des éclairages. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir, la Banque mondiale compte financer à hauteur de 600 millions de dollars américains un projet qui vise à mettre en place des infrastructures de transport sur le lac Tanganyika. La confirmation est donnée par Liberam Fumukeko, secrétaire général de l'EAC. C'était ce mardi après une réunion que trois organisations, dont l'EAC, l'autorité maritime et le corridor central, qui vont exécuter le projet, ont eu avec les représentants de la Banque mondiale à Bujumbura. Et c'était dans le but de préparer une grande réunion de présentation des projets des pays membres du corridor central qui va avoir lieu les 2 et 3 novembre à Bujumbura. Pour lui, ce projet permettra de réduire jusqu'à 40% les coûts des marchandises. Suivez Liberam Fumukeko, secrétaire général de l'EAC. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion préparatoire avec la Banque mondiale ici à Bujumbura. Cela en vue d'une meilleure préparation d'une grande réunion qui aura lieu le 2 et le 3 novembre. Nous sommes en train de négocier actuellement un projet, nous espérons, qui va transformer la région. C'est un projet qui a trait à la mise en place d'infrastructures de transport sur le lac Tanganyika. Et donc, il s'agit notamment de l'amélioration des ports de Bujumbura, de Kigoma, d'Uvira et de Kalemie. Et l'investissement dont il est question ici est d'environ 600 millions de dollars. Alors c'est très important de mentionner qu'il s'agit là d'une deuxième phase de ce projet-là, parce que la première phase a été exécutée au niveau du lac Victoria. Donc là nous commençons donc une deuxième phase pour faire en sorte que l'infrastructure soit améliorée de manière sensible. Ce projet permettra aux marchandises qui partent de Dar es Salaam en Tanzanie d'être acheminées jusqu'à Kigoma, et de Kigoma les marchandises pourront être envoyées à Uvira, à Kalemie ou alors à Bujumbura. La chose la plus importante à noter ici, c'est que lorsqu'on emprunte ce corridor-là de transport, cela permet de réduire les coûts d'environ 40%. Donc ce qui aura un impact très bénéfique sur les pays et surtout sur les clients finaux. Donc j'aimerais juste annoncer que ce projet est en cours de négociation, que nous avons un accord de principe de la part de la Banque mondiale pour le financement de ce projet, mais le 2-3 novembre, donc lors de cette réunion qui aura lieu avec plus de participants, nous avons des personnes qui viendront de tous les pays membres du corridor central, donc l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, mais aussi la République démocratique du Congo. Nous aurons plusieurs bailleurs qui seront là, qui sont intéressés d'appuyer ce projet, donc éventuellement de porter l'enveloppe à un niveau plus élevé. Liberam Fumukeko, secrétaire général de l'EAC, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomwongere. Certains habitants des différents coins de la capitale Bujumbura rémunérés dans le secteur privé, les fonctionnaires de l'État burundais indiquent qu'ils ne parviennent pas à faire des épargnes en banque. Ils expliquent qu'ils touchent des salaires qui ne leur permettent pas de joindre les deux bouts du mois. Des découvertes en banque chaque mois viennent empirer la situation. Ils demandent cependant au gouvernement de voir comment aider les Burundais à épargner pour leur avenir et celui de leur famille. Cet appel des citadins coïncide avec la journée internationale de l'épargne célébrée le 31 octobre de chaque année. Suivez son micro-baladeur de la rédaction. Ikintu cyo kuziganya kiragoye guko abantu benshi tubayeho ku munsi ku munsi kandi tubayeho L'épargne est une chose difficile pour nous qui travaillons à la tâche. Nous survivons grâce au découvert. C'est pour cette raison que l'épargne est difficile pour nous, mais à ceux qui le peuvent, c'est une chose importante pour leur avenir. Nous percevons de maigres salaires. Moi, je trouve que le gouvernement devrait créer des micro-projets et des petits crédits qui aideraient la population à s'autopromouvoir. Comme ça, ils pourront faire des épargnes. J'entends parler de cette journée, mais je trouve qu'elle ne me concerne pas. Moi, je touche 23 dollars par mois, ce qui explique que je ne peux pas épargner. Je ne parviens même pas à joindre les deux bouts du mois. L'on fait face à des découvertes en banque, à des prêts d'argent contractés ici et là. Les prix des denrées grimpent du jour au jour, mais les salaires ne sont revus à la hausse, ce qui ne facilite pas l'épargne. Nos gouvernements doivent tout faire pour empêcher la dévaluation de la monnaie pour que l'on puisse survivre et faire des épargnes comme tant d'autres. Nous, les pensionnés, nous vivons grâce au découvert indéterminé. Si on avait de bons salaires, ce serait facile de faire des épargnes. Nous faisons vraiment face à la vie chère. Si une fois les salaires sont revus à la hausse, l'on pourrait faire des épargnes. Moi, j'entends parler de cette journée. Je suis un retraité, mais comme je touche presque rien comme salaire, je ne peux pas dire que je célèbre cette journée. Si l'on touchait des salaires suffisants, l'on pourrait épargner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'INSS, il y a qui touche même 20 000 francs. Cela ne peut rien. Nous sommes confrontés à des découvertes à la banque. Je demande à l'INSS de revoir l'état des choses. Voilà, c'était le micro-baladeur de Variste Nzikobanyanga. Plus de 25% des personnes en âge avancé sont actuellement des comptes d'épargne dans différentes institutions bancaires, comme l'indique Marie-Louise Kamikazi. C'est la présidente du réseau des institutions de microfinance du Burundi, RIM en sigle. La présidente du RIM trouve que le chemin est encore long et encourage plutôt ceux-là qui croient que l'épargne n'est pas facile avec les salaires qu'ils qualifient d'insignifiants. On l'écoute. L'état des lieux de la situation de l'épargne aujourd'hui au Burundi, nous pouvons partir des statistiques qui ont été effectuées au cours de l'enquête sur l'inclusion financière. Nous pouvons dire que le pourcentage d'épargne n'est pas encore à une situation, disons, satisfaisante. Les statistiques de 2012 montrent que 12,5% des Burundais à l'âge adulte épargnent dans un système financier formel. Donc, ils ont des comptes bancaires. Mais la situation évolue d'année en année. Aujourd'hui, la situation tourne autour de 25% du taux d'inclusion financière. Là alors, vous comprenez que la situation d'épargne est encore à un niveau qui doit être soutenu pour être amélioré. Certains qu'on a rencontrés, ils indiquent qu'ils ont des salaires maigres, qu'ils vivent toujours des découvertes en banque, qu'ils n'ont rien à épargner. Si on considère la situation des revenus de la plupart des ménages et des salariés, c'est vrai, la situation des revenus est à un niveau vraiment bas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas épargner. Parce qu'on épargne pour un objectif, on épargne pour un projet. Alors, dans ces conditions, nous sensibilisons la population pour prendre une décision d'épargner. Un petit pourcentage par rapport aux revenus qu'ils ont, ils épargnent pour réaliser un projet. Par exemple, un projet d'éduquer son enfant. L'épargne pour la scolarité, l'épargne pour un petit projet commercial, l'épargne pour un petit projet d'investissement. Donc on épargne pour réaliser un projet, mais on n'épargne pas parce qu'on est riche. Voilà, c'était la présidente du réseau des institutions de microfinance du Burundi, Marie-Louise Kamikazi. Et sachez qu'on retrouve les traces de cette journée mondiale de l'épargne au mois d'octobre 1924, lorsque les représentants des caisses d'épargne de 29 pays s'étaient réunis pour attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne. Une institution médicale est créée dans chaque établissement pénitentiaire. Certains détenus font l'objet d'un traitement particulier, notamment des femmes, des mineurs et des personnes âgées et des malades mentaux. Les détenus auront donc des costumes pénitentiaires de couleurs différentes selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné. C'est l'une des innovations du projet de loi qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. C'était ce lundi. Nous avons les détails avec Évrard Aviariman. C'est la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, qui était en train de présenter certaines innovations qu'apporte le nouveau texte portant modification du régime pénitentiaire tel que la construction des institutions médicales. Certains députés ont voulu savoir s'ils vont trouver des fonds pour la réaliser. Soutenir et consolider le service chargé de la santé des prisonniers, ça demande aussi des moyens. Je voudrais vous demander, Excellence Monsieur le Ministre, ces personnes qui assurent la santé dans les prisonniers font-elles partie de votre charge ou du ministère de la Santé? Ici également, j'aimerais demander si les moyens qui y sont alloués sont prévus dans la loi des finances du budget de 2018, parce que nous avons vu que vous voulez vous référer aux moyens pour réussir cette réforme afin d'améliorer la santé des prisonniers. Aimée Laurentine Kanyan a rassuré ses parlementaires que l'adoption de ce projet de loi va motiver le gouvernement ainsi que les bailleurs de fonds. Le député Salvatore Niukuri s'interroge des critères de distinction des malades mentaux, étant donné que cela entre dans les prérogatives des psychiatres et psychothérapeutes. Ma question est celle-ci. Il y a des prisonniers qui vont bénéficier d'un traitement particulier. Pour les malades mentaux, comment est-ce que vous allez distinguer les malades mentaux dans la mesure où ce sont les psychiatres et les psychothérapeutes qui ont cette prérogative de les distinguer? Selon la ministre Aimée Laurentine Kanyana, c'est le travail des juges d'apprécier. Oui, ça va nous demander des moyens. Ces lois, ça va nous amener à demander des fonds dans le gouvernement ou dans nos partenaires. En ce qui concerne des traitements particuliers, je propose plutôt de mettre tout le monde dans la catégorie des malades mentaux. Mais je vous rassure qu'on va étudier cas par cas. Ce projet de loi portant modification du régime pénitentiaire a été adopté à l'unanimité par ses représentants du peuple. Voilà, c'était Évrard Havzarimana. Et les habitants du sud de Bujumbura, essentiellement dans les zones de Moussaga et Kanyosha, dénoncent le retard d'enlèvement des immondices, comme a pu le constater Eli Nibel Nibikira. Au sud de la capitale burundaise, plus précisément dans les zones Kanyosha et Moussaga, on est accueilli par des mouches suite aux sacs contenant des immondices dans certains ménages. Ces habitants de la zone Kanyosha indiquent que ça fait 3 mois que ces déchets ménagers ne sont pas enlevés. Ils disent avoir pris la décision de se débrouiller. Il y a presque 3 mois qu'ils ne viennent pas prendre les immondices. On se rabat quelquefois à d'autres particuliers qui les emportent sur leur tête. Chacun se débrouille de sa manière s'il s'agit d'enlever les immondices collectées dans les ménages. Même son de cloche, dans la zone Moussaga, les habitants disent qu'ils ont juste été enregistrés mais n'ont pas encore vu ceux qui sont chargés d'enlever ces déchets ménagers. Ils demandent que les frais relatifs à l'enlèvement des immondices soient réduits et que les immondices soient enlevés. Auparavant, on enlevait ces déchets ménagers, mais ça faisait longtemps sans l'évacuation de ces immondices. Les problèmes sont nombreux, même si on les a enlevés. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas s'inscrire à cause du coût. On a fait circuler la liste pour l'enlèvement de ces immondices, mais nous demandons qu'on diminue le coût. Ces habitants demandent aux instances d'habileté de faire une bonne gestion de la question relative aux immondices. Cependant, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, avait rassuré que la question relative aux immondices allait trouver la solution puisque les sociétés qui en sont chargées avaient été mises en place.